tant attendu de vous, présent à tous les rendez-vous. Ridicule, oui, je l'avoue, d'avoir toujours cru en vous. Je faisais le gars docile, je m'adaptais à tous les styles. J'en ai connu des pas faciles, plus belle en photo qu'à domicile. Oh mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Visse ça comme tu voudras, on se retrouvera dans des beaux draps. Oh mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Écoute-moi, tu vois, je ne chante que pour toi. Mille excuses pour avoir partagé ma psychose, mais vous n'êtes pas excuse d'en être l'origine et la cause. Je ne vais pas verser des pleurs, je ne suis pas un loser. Juste remettre les pendules à l'heure et calmer les battements de mon cœur. Mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Puis ce sera comme tu voudras, on se retrouvera dans des beaux draps. Mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Écoute-moi, tu vois, je ne chante que pour toi. Des histoires anciennes, de naïades et de chants des sirènes. Et des gens qui parlent du héros, qui remettent le compteur à zéro. Combien d'hommes doit-il verser de larmes pour être enfin l'égal de la femme? On ne peut pas déplacer des montagnes. Il y a des jeux auxquels on perd où jamais le nom garde. Mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Puis ce sera comme tu voudras, on se retrouvera dans des beaux draps. Mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Écoute-moi, tu vois, je ne chante que pour toi. Dévastatrice, elle veut que je cède à tous ses caprices. Elle est prête à appeler la police pour m'accuser de tous les vices. Jamais à la bonne température entre le rhume et la brûlure. J'ai des tendances toxicomaniaques. L'amour c'est plus fort que le crack. Oh mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Puis ce sera comme tu voudras, on se retrouvera dans des beaux draps. Oh mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Tu vois, je ne chante que pour toi. Je ne chante que pour toi. Pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Puis ce sera comme tu voudras, on se retrouvera dans des beaux draps. Mon amour, pardonne-moi, oh mon amour, ne t'en va pas. Écoute-moi, tu vois, je ne chante que pour toi. Oh.